Ma prière ce matin, celui qui te demande où est ton Dieu, que ton Dieu s'élève et qu'il s'occupe de tous les amans de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu s'occupe de tous les amans de ta vie. De tous ceux qui vont se lever dans ta vie. Pour dire que à cause d'eux, si tu ne fléchis pas devant eux, tu seras tué. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui a la terre entre ses mains, qui se lève et qui se montre devant tous les amants de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther a dit, ce n'est pas grave. Crions à l'Éternel. Pendant 3 jours. Crions à l'Éternel. Crions à l'Éternel. Pendant 3 jours. Crions à l'Éternel. Ce que j'aime, j'ai retenu 4 choses. Cinq ou quatre. La Bible dit que Esther était belle de figure. Biblia nasema Esther kuya mzuri kwa uso. Et belle de taille. Na kimo mzuri kabisa. Il n'a pas compté sur sa beauté. Akutumainia juu ya uzuri wake. Amen. Alléluia. Amen. Esther était reine. Esther yalikuwa malkia. Il n'a pas compté sur sa position. Akutumainia sababu alikuwa bibi wa mfalme hapana. Sur sa position. Ah, juya hali mule alijikuta hapana. Vous savez, c'est une grande tentation. Unajua ni majaribu kubwa kabisa que d'occuper certaines positions dans la vie. Upate kuya mkimo moyo fulani mu maisha. Et de penser que la vie ne se résout qu'à des positions. Akuzania kama mu maisha jibu yote unatokea paka muhali mule unajikuta. Je te parle parce que tu occuperas une position dans la vie. Et je parle à celui qui occupe une position dans la vie. Garde ton cœur. Il y a des moments. Ce n'est ni la beauté ni la position ni les moyens. Esther avait les moyens, elle avait les talents, mais comment elle peut dire une seule chose dans des moments comme celui-ci? Mardoché et tout le peuple, prions. Ah, je comprends une chose. Face à la mort, ni le talent, ni la beauté. Il y a des gens talentueux qui sont déjà morts. Il y a des très belles personnes qui sont déjà mortes. Il y a des gens de position élevée qui n'existent plus. Il y a des gens vertueux qui ne sont plus là. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un homme mort. Donc, il y a même des lions qui sont déjà morts. Et à leur place, on a des chiens. On a dit que non, ils sont bien. Frère, il y a même des lions qui sont déjà morts. Esther a compris que dans certains moments de la vie, ni les talents, ni la beauté, ni la position, ni les moyens, la seule chose qui nous reste, Mardochée, prenons 3 jours, prions à l'Éternel. Parce que la Bible me dit, dans le psaume 34, quand on crie à lui, l'Éternel entend et nous délivre de toutes nos frayeurs. Alléluia. Amen. Face à la souffrance de la mort, il n'y a que Dieu. Esther a dit non, crions. Frères et sœurs, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mardochée est resté ferme dans l'alliance. Dans son alliance avec Dieu. Aman était là. La mort était là. Ils ont crié à l'Éternel. Il a agi avec fermeté. Je ne bouge pas. Où est ton Dieu? Il arrivera de moments dans la vie. Tu auras cette question. Où est ton Dieu? Les collègues de Mardochée. La question n'est pas venue de très loin. La question est venue des proches. Parce que Mardochée disait aux proches qu'il priait. Il disait aux proches qu'il avait Dieu. Toi qui dis aux proches que tu as Dieu. Toi qui dis aux proches que tu pries. Tu vas à l'église. Tu sers Dieu. Tu es pasteur, bousé, diacre, la connaisse. Prophète, prophétesse, tout ce que vous voulez, les gens te regarderont un jour devant les difficultés et te poseront la question: où est ton Dieu? Soit tu trahis l'alliance, mais soit tu montres réellement où est ton Dieu. Ma prière ce soir, ce matin, montre où se trouve ton Dieu. Mardochée a prié. Oh bien-aimé, Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Mardochée, il a prié. Esther a prié. Esther naye aliomba. Les gens ont vu le Dieu de Mardochée. Oh, je prie ce matin que tous les Aman de ta vie voient le Dieu qui va s'élever dans ta vie. Qui voit le Dieu de Mardochée. Alléluia. Amen. Il a fait 4 choses. La première chose, il a délivré Mardochée de la mort. Mais le Dieu de Mardochée Esther, ton Dieu à toi, dans des moments de souffrance devant la mort, il est capable de te délivrer de la mort. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Kituyapili, Dieu a honoré Mardochée devant ses ennemis. Mungu alimheshimisha Mordekayo mbele ya badui zake. Les mêmes ennemis paka badui moya moya bale qui voulaient déshonorer et tuer Mardochée. Balipenda kumutosha heshima na kumuua Mordekayo. Sont les mêmes bien-aimés. Dieu passera par tes ennemis. Mungu atapita paka kupitia badui yako. Pour honorer ta vie. Tu maheshimishe maisha yako. Je le déclare ce matin. Nasema tena asubuhi ya leo. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Si tu crois, dis amen, amen, amen, amen, amen, amen. Dieu passera par tes ennemis pour honorer ta vie. Les mêmes ennemis qui voulaient ta mort hier, aujourd'hui, demain, c'est eux qui vont t'honorer. Je les déclare et tu les reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh Dieu est fidèle. Oh Mungu wetu ni mwaminifu kabisa. Dieu est fidèle. Hakika yuko mwaminifu. La troisième chose. Kitu ya tatu. Quand Dieu délivre de la mort. Wakati Mungu anaokoa mtu kifo. Quand Dieu t'honore devant les ennemis. Wakati Mungu anakuheshimisha mbele ya adui zako. Troisièmement. Sasa kitu ya tatu. Tes ennemis prendront la place, ta place pour mourir à ta place. Bale badui batakuwa pa nafasi yako ili bauawe. Bien-aimé, Dieu fera mourir tes ennemis à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le déclare. S'ils si ne se repentent pas kama wawo et qu'ils ne croient pas à ton Dieu, mbele ya Mungu wako, la croix qu'ils ont préparée pour toi, juu yako, et seront pendus sur cette croix. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je livre l'Éthiopie à ta place. Je livre des peuples à ta place. Mais Dieu s'est livré des peuples à ta place. C'est pourquoi, bien-aimé, et vous et ceux qui me suivent, évitez de faire du mal aux enfants de Dieu. Évitez de faire du mal à vos amis. Évite, frère, tu tomberas toi-même dans le piège que tu as tendu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a fini toutes ces choses, il le délivre de la mort. Ses ennemis commencent à l'honorer. Il prend les ennemis, il les met à la croix qu'ils ont préparée contre Mardochée. Qu'est-ce qui reste alors? Dieu élève Mardochée. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il cherchait où est ton Dieu. Aujourd'hui, ils verront ton Dieu, ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu s'est élevé quand les hommes ont refusé. Alléluia. Amen. Voilà ce que fera le zèle du Tout-Puissant. Mwone ile Mungu atafanya. Où est ton Dieu? Mungu wako eko wapi? Où est ton Dieu? Mungu wako eko wapi? Deuxième personne. Mtu wa pili. Qui a connu la même question. Mwenye alipata ulizo moya moya. C'est Daniel. Iye Daniel. Nous sommes au chapitre 3, versets 14 à 18. J'explique rapidement. Et on a le même principe, Daniel. Chapitre 3, versets 14 à 18. Pendant que la technique n'est pas encore avec nous, nous lisons. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Le problème tourne autour de l'adoration. Il y a une alliance à conserver. Ne pas trahir l'alliance. Connaître ton Dieu et agir. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez donc devant la statue et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Dieu aime les défis. Oh, Mungu anapendaka mujaribu hivi. Amen. Dieu aime les défis. Est-ce que je peux acclamer pour le Seigneur? Mungu anapendaka mujaribu hivi. Hallelujah. Oh, Dieu aime les défis. Mungu anapendaka kumujaribu hivi. Où est ton Dieu? Si Mungu wako yuko wapi? Mon Dieu aime les défis. Oh, Mungu wangu anapendaka kumujaribu. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin. Yeye anasema na mtu mwasubu ya leo. Ton Dieu qu'on a défié. Huyu Mungu wangu alimujaribu. Il va se lever aujourd'hui. Atasimama leo. Alléluia. Amen. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils sont fermes. Ils respectaient l'autorité. Alléluia. Amen. Ils respectaient le roi. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Amen. Même résultat. Le roi leur dit, quel est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Vous avez dit que vous priez. Où est votre Dieu? Daniel et ses amis étaient calmes. Daniel na warafiki yake walikuwa wenye kutulia kabisa. Meshach, Shadrach, Shadraki, et Abednego. Meshach na Abednego. Ça c'était le nom de Dieu des Perses. Ilikuwa ni majina ya miungu ya Wapersi. Mais c'est comme ça que la Bible écrit le livre, il dit Daniel. Ndio maana bana sema kitabu ya Danieli. Ils étaient calmes. Ils ont dit, non, roi, sois tranquille. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Ce Dieu-là que nous voulons prier, il a accordé la délivrance à Daniel et à ses amis. Dans la fournaise ardente. Mais ils ont été délivrés. Délivrés du feu. Le feu représente des problèmes. Représente des difficultés. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui traverse des moments de difficultés. Qui traverse des moments de problèmes dans sa vie. Et on lui dit, mais où est ton Dieu? Montre-nous ton Dieu. Frères et sœurs, ton Dieu ce matin va te délivrer des problèmes et de toutes les difficultés que tu connais. Alléluia. Quand ils sont sortis du feu, non seulement qu'ils sont sortis du feu, sur eux, il n'y avait aucune odeur de feu. Frères et sœurs, après les difficultés sur ta vie, il n'y aura aucune odeur des difficultés sur ta vie. Il n'y aura aucune odeur du passé. Oh, tu as assez souffert. Il y a un bon parfum qui efface les odeurs des difficultés. Ce parfum-là, c'est la délivrance de l'Éternel. Quand Dieu te délivrera, il n'y aura aucun parfum des difficultés. Alléluia. Amen. Tu dois montrer ton Dieu. Deuxièmement, Dieu a honoré les trois messieurs. Il les a élevés. Troisièmement, les gens qui ont chauffé la fournaise cette fois, ils ont péri avant que Daniel ne puisse périr. Frères et sœurs, tous les ennemis qui te font du mal, je les déclare ce matin, ils passeront avant toi. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vas vivre pour raconter ce que Dieu aura fait. Mais eux, leur sort, c'est la mort. Non seulement la mort physique, même la mort éternelle s'ils ne se répandent pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens que Dieu a tués. Il y a des gens que Dieu a tués. Le premier message de Jésus-Christ dans le livre de Marc, Et même le message de Jean-Baptiste. Répentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est Jésus dans Luc, dans Marc. Dans Luc, Jean-Baptiste répète la même chose. Moïse se plaint devant Dieu. Et Dieu leur dit, il n'y a pas de problème. Qui se tiennent là. Et Moïse dit, éloignez-vous de ces gens. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va montrer qu'il est capable de tuer quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Pour la première fois, la terre s'est ouverte. Les gens avec leur brasero, leur famille, leur sac de farine, ils sont entrés sous la terre et la terre s'est refermée dessus. Si tes ennemis s'entêtent et ne se repentent pas, ils peuvent perdre leur vie. Alléluia. Amen. Ceux qui ont chauffé le feu cette fois plus que d'ordinaire, ils sont morts avant que Daniel ne meure. Daniel est mort. Il est mort après. Mais les gens qui avaient chauffé le feu étaient morts avant Daniel. Alléluia. Ne faites pas du mal aux gens. Ne soyez pas producteurs des difficultés des gens. Au lieu de produire les fruits, les maïs, soit tu produis des problèmes. Non, non. Ne sois pas mining problème. Non. Produis la joie. Parce que si tu produis les problèmes, tu continues à les produire. Un jour, Dieu va s'occuper de toi. Et en fin de compte, Dieu a élevé Daniel. Oh, bien-aimé, il arrivera un moment. Dieu va faire la différence. Donc, devant la mort, comme Mardoché, il voulait voir son Dieu. Ils ont vu le Dieu de Mardoché. Devant des problèmes, comme Daniel et ses amis, ils voulaient voir leur Dieu. Ils ont vu ce que Dieu fait. Aujourd'hui, je prends le dernier point dans l'esclavage. Il y en a qui retiennent les autres esclaves dans la sorcellerie, dans des problèmes. Bien, mais c'est dangereux. Dieu existe. Exode chapitre 5, verset 1 à 9. Je vais lire rapidement et expliquer. Nous allons prier. Exode chapitre 5, verset 1 à 9. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Alléluia. Moïse, ils ont bien expliqué à Pharaon. L'Éternel nous a dit, laisse aller ce peuple. Pharaon répond. Qui est l'Éternel pour que moi, Pharaon, j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Ok, il n'y a pas de problème. Verset 3. il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Verset 4. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Verset 5. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Verset 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. 7. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Verset 9. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Amen. Amen. Et quelle parole du roi Pharaon. On lui dit, laisse aller le peuple. Laisse ce peuple qui est esclave, libère. Frères et sœurs, libère. Pharaon dit non. Pharaon alikatala. Qui est Dieu? Mungu ni nani? Pour que moi je lui obéisse. Il dit, Moïse, laissez ces gens dans l'esclavage. Ils ne partiront pas. Et d'ailleurs, pour preuve, on leur a amené la paille pour faire les briques. Mais maintenant, eux-mêmes vont aller chercher la paille pour faire toujours la même quantité de briques. C'est comme s'ils doublent la peine. Ils les coincent encore davantage. Comme ça qu'ils oublient leur Dieu. Parce que ici c'est moi Pharaon. Frères et sœurs, nous sommes en train de déclarer ce matin tous les pharaons de ta vie, tous ceux qui bloquent ta vie dans toutes sortes d'esclavage, ce matin il y a un Dieu, il y a un Dieu au ciel, un maître de la terre. Frères et sœurs, ce n'est pas Pharaon qui était le maître de la terre, c'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui est le maître de la terre. Je prie ce matin que tous les pharaons qui gardent les enfants de Dieu dans l'esclavage, ils vont libérer. Ils vont pas libérer de leur propre gré. Non. La main puissante de Dieu va les obliger de libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a une main puissante de Dieu qui va entrer dans la maison de tes pharaons. Il y a une main puissante de Dieu, frères et sœurs, qui va commencer par tous les aspects de la vie de Pharaon. L'eau, la terre, Udongo, le bétail, le champ. Frères et sœurs, il y a des gens qui vont perdre certaines choses aussi longtemps qu'ils te garderont esclave dans leur tentative. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, toi qui bloques quelqu'un, tu as intérêt aujourd'hui, maintenant même, de libérer cette vie. Acha maisha ile. Aussi longtemps que tu gardais les enfants d'Israël. Aussi longtemps qu'il bloquait les enfants d'Israël. Pharaon a tout perdu. Pharaon alipoteza vyote. Jusqu'aux enfants. Paka kwa watoto yake. Il a tout perdu. Alipoteza vyote. Frères et sœurs. Duko na dada. Où est ton Dieu? Mungu wako eko wapi? C'est une question. Que les gens te posent. Parfois, je vois te poser cette question. Où est mon Dieu? Est-ce que mon Dieu est là face à ces choses? Mais la Bible nous dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Bien, mais nous avons notre Dieu. Nous avons notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prier. Ils verront notre Dieu. Ils verront ton Dieu. Ton Dieu se lèvera. Oh, j'aime l'Éternel. J'aime Dieu. C'est la dernière chose à laquelle Aman pouvait penser. Devant Mardochée. C'est la dernière chose à laquelle Aman pouvait penser. Mais Dieu est bon. Avant que Aman ne meure, il devait finir par reconnaître que Dieu existe. Il devait reconnaître que Dieu existe. Frères et sœurs, tes ennemis, avant de mourir, reconnaîtront ton Dieu. Ils reconnaîtront ton Dieu. Ils ne vont pas mourir vite, vite. Non, non, Dieu prendra tout le temps pour qu'ils reconnaissent que Dieu existe. C'est pourquoi aujourd'hui, si toi tu n'as pas encore, tu as trahi l'alliance de Dieu. Ces choses sont valables pour les enfants de Dieu. Mais si toi tu as trahi l'alliance de Dieu, mais venir à l'église ne suffit pas à garder l'alliance. Plusieurs viennent à l'église, mais ils ont déjà trahi l'alliance de Dieu. Ils se prosternent devant des statues. Il y en a plusieurs. Ils se prosternent devant des hommes. Ils ont trahi l'alliance de Dieu. Ce matin, Dieu te donne encore une bonne voix. Reviens vers lui. Reviens vers lui. Aussi longtemps que la trompette sonne, tu peux revenir. Tu peux revenir, bien-aimé. Reviens. Reviens. Reviens pour que Dieu se fasse voir. Reviens pour que Dieu se fasse voir. Ne reste pas loin de l'alliance. Ne reste pas loin de Dieu. Mais nous venons à l'église. Que tes sacrifices ne soient pas vains. Ne viens pas à l'église d'une main et l'autre main tu as des statues. Il y en a qui viennent à l'église mais qui portent des choses dans leur âme. Dieu voit. Dieu veut que tu sois sauvé. Mungu anapenda nawe uokolewe. Dieu veut que tu sois sauvé. Anapenda kika uokolewe. Comment Dieu va défendre tes ennemis? Namrakani Mungu. Comment Dieu va te défendre devant les ennemis? Namrakani Mungu atakusemelea mbele ya madui. Si entièrement tu ne te donnes pas au Seigneur. Kama ndani yako kweli kabisa ujitoe mbele yake. Regardez Esther. On est allé à Esther. Ni la beauté, ata uzuri wake, ni la position, aina hali yake, ni les moyens, aina manamu na yake, ni les talents. Wala talanta alikuwa naye. Frères et sœurs, duku na dad. Est-ce que tu as les moyens qu'Esther avait? Uko na manamu na gisi Esther alikuwa nayo. Est-ce que tu as la position qu'Esther avait? Uko na hali wana kimo ilikuwa na Esther. Est-ce que tu es belle comme l'était Esther? Uko mzuri gisi Esther alikuwa. En fait, Esther était belle après déclaration du concours. Esther alikuya mzuri kisha kutayarishwa kwa mashindano. On a visité toutes les provinces. Alitembelea majimbo yote. Après que Vati soit écarté. Kisha Vati wekwa pembeni. On a visité toutes les provinces. Alitembelea majimbo yote. Et on a déclaré que non. Na alikamata mpango kusema est voici. Mone tazameni. Toi tu es seulement à Kikula. Wewe upo hapa petu pa Kikula. Et tu trahis Dieu. Na una moto wa Mungu. Tu es seulement au Katanga. Wewe upo hapa pa Katanga. Tu es seulement en RDC. Uko paka huko Kongo yetu. Tu es seulement en Afrique. Uko paka hapa kubale ya Afrika. Tu es seulement en Europe. Uko paka kubulaya. Jeremy, on a fait le tour. Nasema bali tembea mahali pote. Et le jury a déclaré. Na mpango ili kama tiwe ya makutano. C'est Esther qui va remplacer la reine. Nasema ni Esther. Mais malgré ça, frères et sœurs, malgré la vie du jury, malgré la position, le jury peut te proclamer. Tu peux occuper la position que tu occupes. Mais bien-aimé, quand le moment difficile arrive, savoir recourir à son Dieu. Esther a dit à Mardoché, Mardoché, prions. Prions. Pour eux, il fallait seulement écarter Aman, annuler les titres. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça seulement. L'édit était là. La lettre était là. Mais d'abord, il fallait honorer Mardoché. Il fallait que celui qui devait l'honorer, c'est le même Aman. Il fallait que les ennemis, le bois qu'ils avaient préparé partout, que eux-mêmes soient mis sur le bois. Ça, c'est Dieu. Tu pries pour une chose, Dieu t'en donne 4, 5, 6, 10. Si tu connais ton Dieu, même Salomon, il a demandé une seule chose à Dieu. Dieu lui a donné le reste. Oh bien-aimé, si tu connais ton Dieu, tu vas changer ta façon de vivre. Tu es devant les difficultés comme Daniel. Prie Dieu. Il a continué à ouvrir la fenêtre en direction de Jérusalem. Il a dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Notre Dieu nous délivrera. Bien-aimé, ma prière ce matin, devant cette question qui revient dans la vie, où est ton Dieu? Où est mon Dieu? J'aimerais que tu pries. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut se manifester. Bien-aimé, à tout engia mon février parce que mon Dieu manifeste. N'allons pas entrer dans le mois de février sans que Dieu se fasse manifester. Alléluia. Amen. Ça c'est la prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Léo. On dit que c'est le dernier dimanche de janvier. Seigneur, c'est le dernier dimanche. Avant que le dernier jour de janvier ne se termine. Je veux que tu te manifestes. Nous tenons debout. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Nous voulons prier. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Bien-aimé, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Puisqu'on t'a posé cette question. Puisque tu t'es posé cette question, il cherchait à voir ton Dieu. Et effectivement, aujourd'hui, ils verront ton Dieu. Pas demain. Aujourd'hui, ton Dieu va se lever. Ton Dieu va se lever. Et si tu as perdu l'alliance, bien-aimé, reviens à l'alliance. Reviens à l'alliance avec Dieu. Reviens à l'alliance avec Dieu. Si tu as gardé l'alliance, tu vas prier. Mais si tu t'es écarté de l'alliance, mais la seule façon c'est de revenir à l'alliance. Avant de prier, j'aimerais que tu prennes la décision de revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Nous ne faisons pas de slogans. Nous cherchons le Seigneur. Arrange avec le Seigneur. Il y a un verset dans Job chapitre 22, le verset 23. C'est un bon verset. Job 22, 23. La Bible dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'avant tu étais établi, tu as perdu. Mais si tu reviens, il te rétablit. Et on nous a dit comment revenir au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, de ta maison, de ta vie, de ton corps. Si tu reviens au Tout-Puissant, et nous allons prier. Lève ta main. Lève ta main. Dis Seigneur, ce matin, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. J'éloigne de ma vie. J'éloigne de ma vie. Toute iniquité. Toute iniquité. Commence à prier. Karibou Maromi Sasa. Reviens, reviens. Dieu t'appelle de revenir aujourd'hui. Seigneur, merci. Bonne santé. Me voici avec l'église, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Ton peuple revient. Mon frère et ma soeur a pris la décision de revenir au Tout-Puissant. Il était parti loin, il revient. Comme cet enfant prodigue qui revient. Frères et sœurs, je le sens dans mon cœur. C'est l'église, c'est des moments terrible avec le Seigneur. Vous savez, l'enfant prodigue. La grâce était là. Le pardon était là. Mais il devait prendre la décision de revenir vers le Père. Et sa vie devait changer et reprendre de nouveau. Si tu es là, n'aie pas honte. Lève ta main. Dieu va te pardonner. Mungu atakusamehe. Tu vas revenir au Seigneur. Utamrudia tena Bwana. Si tu étais parti loin de Dieu. Kama ulienda mbali na Mungu. Lève ta main. Pale huko tu inua mkono yako. Oui, que Dieu te bénisse mon frère. Ndugu yangu Mungu akubariki kabisa. Que Dieu te bénisse mon frère. Ndugu yangu Mungu akubariki. Mais Dieu voit vos décisions. Mungu akonaona mipango mnakamata. Parfois on se contente de danser de beaucoup de choses. Unafurahikia tu kucheza na mambo mengine mbalimbali. Mais la vie ne change pas. Lakini maisha haibadiliki. Ça ce sont des choses qui vont changer votre vie. Ndio bitu vitageuza maisha yenu. Lève ta main là où tu es. Pale huko tu. Nous avons nos yeux fermés, toute l'église. Il n'y a que moi qui ai les yeux ouverts. Fermons nos yeux, lève ta main. Prends la décision de revenir à Dieu. C'est un signe de foi. De dire, Seigneur, voici. Je ne te cache pas mon iniquité, je reviens. Jéhovah, merci. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Devant toi. Pas devant un homme. Il a levé sa main. Il dit, je reviens au Tout-Puissant. Ma prière ce matin. Pardonne son péché. Qu'il soit rétabli. Dans ses droits. En tant que fils. Je prie pour lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris une bonne décision. Deuxième prière. Où est ton Dieu? Toi qui traverses des moments difficiles. Où la mort s'élève dans ta vie. Nous allons prier. Que tous les amans de ta vie voient comment ton Dieu va s'élever aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, oh, tous les amans qui ont décidé de te tuer, tous les amans qui ont décidé d'amener la mort dans ta maison, ton Dieu va s'élever. Ils ont cherché ton Dieu, ils verront ton Dieu. Lève ta main, dis avec moi, éternel Dieu, ce matin. Ce matin, que tous les amants de ma vie, te voient maintenant, ceux qui cherchent ma mort, la mort dans ma maison, la mort dans ma famille, la mort de mes enfants, que tous ces amants-là voient mon Dieu s'élever au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Prie, bien-aimé, tous les amants de ta vie ce matin, que tous les amants de ma vie. Oh, je vois les amants tomber. Je vois les amants de ta vie tomber. Je vois les amants de ta vie. Ceux qui cherchent ta mort, je les vois tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Dieu les fait tomber maintenant. Dieu les fait tomber. Dieu fait tomber tous les amants. Tomber tous les mains de ta vie, tous tes ennemis qui cessent ta mort ce matin, ils tombent au nom de Jésus. Dieu va t'honorer devant tes ennemis. Dieu va t'honorer devant tes ennemis. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons encore prier. Tous ceux qui chauffent des problèmes contre toi, le Dieu de Daniel va s'élever aujourd'hui. Ceux qui chauffent des fournaises, pour te faire du mal, ils passeront avant toi. Parce que le Dieu de Daniel va se lever. Lève ta main et déclare avec moi. Jéhovah. Tous ceux qui me veulent du mal et qui amènent des problèmes dans ma vie, aujourd'hui, que le Dieu de Daniel se lève dans ma vie pour éteindre la fournaise et m'honorer au nom de. Élève-toi, commence à prier. On a cherché des problèmes. Le Dieu de Daniel, lève-toi. Même la fournaise n'a pas d'effet de moi. Dans ma vie, tous ceux qui ont allumé les fournaises, je les renverse. Et toutes les fournaises sont sans effet. Tu descendras dans la fournaise. Au nom de Jésus. Troisième prière, et nous voulons terminer par là. Tous ceux qui te rendent esclave, qui te bloquent dans l'esclavage. Oh bien-aimé, ce matin, la main de Dieu va les obliger de te libérer. La main de Dieu va les obliger de libérer ta vie, ta famille. Lève ta main. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main. Étends ta main. Sur tous les pharaons de ma vie. Sur tous les pharaons de ma vie. Qui bloquent ma vie. Qui bloquent ma vie. Qui bloquent mes enfants. Qui bloquent mes enfants. Qui me rendent esclave. Qui me rendent esclave. Ce matin. Ce matin. Que mon Dieu s'élève. Que mon Dieu s'élève. Et qu'il voit que tu existes. Et qu'il voit que tu existes. Au nom de Jésus. Élève-toi, commence à prier. Commence à prier. Dieu veut s'élever maintenant. Tu ne seras esclave de personne. Esclave de personne. Tout c'est lui qui bloque les enfants de Dieu, qui bloque mes enfants, ma famille, mes frères et soeurs dans l'esclavage. Ce matin, je les renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie ce matin. Puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié en acclamant très fort pour le roi de rois. Amen. Nous acclamons une fois de plus pour la gloire de Dieu pendant que on nous prépare les paniers. Nous préparons nos offrandes. Nous prions pour ça pendant que la chorale nous donne un cantique. Dieu bénisse ses offrandes dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. C'est le moment de communiquer. Si c'est votre première fois de prier avec nous ensemble ici à la source féconde, vous pouvez de là où vous êtes lever juste votre main. Nous allons vous saluer dans la maison de notre Père. Il y a un bien-aimé là-bas. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Pendant qu'ils sont debout, nous, en tant que la source féconde, Nous les saluons en les encourageant. Nous pouvons maintenant saluer nos bien-aimés à notre rythme de la source féconde, les montrer que nous sommes dans la joie. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Après le culte, vous allez vous avancer ici devant. Il y a un bien-aimé qui va s'entretenir avec vous. Que Dieu vous bénisse pendant que vous vous rasseyez. On les encourage encore une fois avec les acclamations. Alléluia. Nous donnons le programme de notre semaine qui commence déjà demain lundi avec la prière matinale à partir de 6h jusqu'à 7h juste. C'est de lundi jusqu'à vendredi. Chaque matin, ici chez nous à l'église, nous prions de 6h jusqu'à 7h juste. Le même lundi, à partir de 16h30, nous avons rencontre des secteurs de 16h30 jusqu'à 18h juste. Et le secteur 40 maisons et Zout, ils sont chez Papa Olivier Kiboué. Et le secteur quand SNCC et USS, ils ont un culte de consolation chez Maman Kalumbu demain à partir de 16h. Le secteur USS et SNCC auront un culte de consolation chez Maman Kalumbu. Le secteur quartier mission 1 chez Papa Eric. Le secteur quartier mission 2 et Chitourou chez Papa Jules Niembo. Amen, amen. Mercredi, nous avons notre culte d'enseignement et prière qui commence ici à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Vendredi, il y a notre culte de jeûne et prière qui commence aussi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Samedi de 7h30 jusqu'à 8h30. Ici chez nous à l'église, il y a intercession. Et à partir de 9h, il y a évangélisation. À 15h, il y a rencontre des hommes adultes ici à l'église. Dimanche comme aujourd'hui, nous avons notre culte de bonnes nouvelles qui commence à partir de 8h, juste avec l'intercession d'ensemble des serviteurs et servantes, de 8h juste jusqu'à 8h30, et de 8h30 jusqu'à 11h30, nous avons notre culte de bonnes nouvelles. Anniversaire, nous avons notre sœur Claudie qui fête son anniversaire. Si elle est là, elle peut s'avancer. La sœur Claudie, nous pouvons l'encourager. Et pendant ce temps, nous invitons papa pour la suite des communiqués, pendant que nous encourageons aussi notre papa une fois de plus. Sœur Claudie, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait son anniversaire? Oh, maman! Oh. Maman Bayotte, hey, tiens, toi aussi. Hein? Grâce. C'est ton anniversaire. Joue toujours. On va prier. On peut chanter pour eux. Joyeux anniversaire. Bien, maintenant, je vais prier pour toi. Grâce. J'aime beaucoup mon fils ici. Il aime l'église et il se dépense beaucoup pour l'église. On va prier pour eux. Nous les bénissons. Nous recommandons la grâce de Dieu. Seigneur, je bénis tes enfants aujourd'hui. L'anniversaire, c'est toujours un moment où nous nous rappelons ta fidélité. Ce que tu as fait hier, tu le feras encore l'année qui vient. Seigneur, je les bénis. Que ta grâce soit sur leur vie. Soutiens-les et accompagne-les. Qu'ils ne manquent de rien. Qu'ils découvrent ce Dieu capable de les soutenir dans des moments difficiles. Quand les gens demanderont où est leur Dieu, qu'ils s'élèvent et qu'ils disent, voici ce que notre Dieu a fait. Qu'ils soient bénis dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon anniversaire. Merci. Alléluia. Amen. Nous avons quelques enfants à présenter au Seigneur. Le secteur quartier Zout présente l'enfant Mbuya Wabwana Magraël. C'est ça. C'est Mathieu qui a donné ce nom ou c'est toi? C'est Mathieu. C'est Mathieu. Ok. La maman c'est Gracia, le père c'est Mathieu. Pendant qu'ils viennent avec maman Lorraine, Olivier, nous acclamons le Seigneur pour les encourager. Comme je l'ai dit, le secteur doit présenter l'enfant. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Ça, c'est vraiment un enfant de la maison. Mathieu, on a commis la moukanisa, on a mis la moukanisa. Même les enfants aussi auront leurs enfants dans cette même église. Alléluia, gloire au Seigneur. Le secteur Panda. Itaya Panda. Présente l'enfant c'est ce que j'ai bien le nom, c'est Owen, c'est ça. Ah Daniela, toi aussi. Donc l'enfant Owen Grace Moulong. Ok. Papa Aristote, maman Daniela. Est-ce qu'il peut s'approcher? Maman Daniela. Aristote est où? Secteur Panda. Oh, maman Laetitia, viens prendre l'enfant. Et papa Guy, venez prendre l'enfant. Même si c'est la famille, hein, ici c'est maman Laetitia. Il prend l'enfant. Donc nous prions pour l'enfant Owen et l'enfant Magraël. Ok, nous prions pour ces enfants. Nous les recommandons entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse bénir les enfants. Et Dieu soutenir les familles. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, merci ce jour. Nous nous tenons devant ta face avec ces enfants qu'on nous a amenés dans ta maison pour les présenter à toi. C'est pourquoi je prie pour Owen. Que ta grâce repose sur cet enfant, qu'il marche et qu'il soit protégé par toi. Je sanctifie son nom de Moulong. Seigneur, que ta grâce soit sur lui. Bénis son nom, que tous les liens liés à ce nom soient coupés et que cet enfant prospère en toute liberté qui accorde le Saint-Esprit. Je prie aussi pour l'enfant Magraël. Que ta grâce soit sur lui. Je bénis son nom de Bouya. Je le sanctifie dans le nom puissant de Jésus. Et que ta grâce repose sur eux. Souviens-toi des parents qui ne manquent de rien pour voir à tout ce qu'il faut pour l'éducation, la croissance de ses enfants. Souviens-toi de tous ceux qui dans cette salle et ceux qui nous suivent, qui attendent les enfants. Tu es fidèle, je te fais confiance. Accorde-leur des enfants aussi. Que ta grâce repose sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager? On peut acclamer le Seigneur pour les encourager. Ok, nous donnons notre offrande pour bénir ces enfants. Et après, je vais maintenant donner quelques communiqués importants avant de nous séparer. Donne l'offrande, tu bénis, tu scelles aussi pour les enfants de tes enfants. Et c'est important. Oui, allez-y. Celui qui a tendu sa main pour bénir ses enfants. Souviens-toi aussi de ses enfants. Souviens-toi de sa progéniture au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reviens sur quelques communiqués. Le premier, j'encourage l'église à aller au secteur. Les secteurs, ce sont des églises. Et au secteur, nous enseignons des choses de proximité. Je ne sais pas. Secteur, karibu. Ok, il y a certaines choses, on peut terminer l'année, on ne les prêche pas à l'église. Et c'est mieux d'aller au secteur. Kule, mamita. On est proches les uns des autres. Kule, ce ne sont pas tellement des prédications comme à l'église, mais c'est des partages. Alors, on va vous connaître, vous allez connaître les autres, on va connaître votre maison, et quand il y a des problèmes, ça commence par les secteurs, ça nous parvient directement. S'il te plaît, respectons l'administration de l'église. Quand il y a un problème, commencez par les secteurs. Si vous êtes maman, commencez par chez les mamans. Si vous êtes papa, commencez par les papas. Si vous êtes jeune, commencez par les jeunes. C'est plus facile de gérer les choses comme ça. Vous savez, parfois nous recevons les SMS des partout. Alors c'est un grand panier. Parfois on n'aura pas le temps de réagir à tes messages. Mais le chef secteur viendra te visiter, il va faire rapport au pasteur. Les mamans viendront, l'action sera rapide. Donc aussi pour des raisons de discipline, c'est toujours mieux de suivre cette organisation. Si vous m'envoyez les SMS, il y en a beaucoup. Un moment, ça peut poser problème. Alléluia. Amen. J'espère qu'on se comprend. Maman, papa, jeune, chorale, vous avez un problème, envoyez au chef secteur, envoyez chez responsable des mamans, JPC, Coral, chez les papas. À ce moment-là, l'église fonctionne normalement. Et nous savons suivre et nous soutenir mutuellement. Donc, tous les lundis à 16h30, les secteurs fonctionnent. Et nous voulons que vous puissiez aller dans les secteurs. Tous les matins, prière matinale. Nous encourageons vraiment les gens qui vont à la prière matinale. Et nous félicitons déjà l'ancien Pamphile. Que Dieu vous bénisse. Il fait un grand travail. Malgré l'âge, il est toujours matinal. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Donc soyons à la prière matinale. C'est important. Cette semaine, nous avons des programmes spéciaux. Le premier programme spécial, c'est la rencontre des hommes adultes. Donc, après ce culte, sensibilisons-nous déjà. Donc, samedi, c'est à quelle heure? Quelle heure? 15h. Donc nous tous les hommes adultes, ne partons pas après ce culte. Après le culte, tout celui qui est homme adulte, nous restons pour prendre le programme. Mon souci est que cette année, tous les départements fonctionnent normalement. Et homme adulte, celui qui est marié. Même si tu as 16 ans, tu es marié, tu es homme adulte. Parce que je suis un homme avant tout. Tu connais déjà les choses des grandes personnes. Ok. Donc, c'est comme ça que pour le moment, bon, les mariages de 16 ans ne sont plus là. Mais si tu as un enfant, tu as 16 ans, 17 ans, 18, tu es déjà homme adulte. Et homme adulte aussi. Tout celui qui a déjà terminé l'université est homme adulte. Donc tout papa, tout celui qui a terminé l'université, tout celui qui est marié est homme adulte. Donc après ce culte, nous restons ensemble pour le communiquer. Dans le coin là se trouve l'ancien Guy et le frère président. Oui, papa Richard, le diacre Richard, nous restons dans ce coin-là et pour un communiqué important. Ça, c'est notre première communication. Deuxième communication, cette semaine, c'est la fin de la semaine, c'est la fin du mois de janvier. Nous avons un programme spécial à l'église que j'avais prévu. Je vais le faire par le truchement de mes enfants. Et comme je vous ai présenté le dimanche passé, l'autre dimanche, les deux, Sten et Joy, j'ai voulu que je travaille avec eux cette semaine et ils associent quelques personnes. Donc, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche matin. Donc il y aura Sten, Joy, Josias, Jado. Donc le prophète Josias et le prophète Jado. C'est le culte normal. Mais seulement ils travaillent. Parce que l'autre semaine, ils doivent voyager. J'ai voulu qu'ils travaillent cette semaine. L'église sont là pour les encourager, ce sont nos enfants. Et ils seront associés pour le programme Matthieu et Marc. Matthieu, vous l'avez vu. Marc aussi, vous le connaissez, c'est ça? Ok, c'est tous sont mes enfants. Nous allons faire cela pour aider nos enfants, bénir nos enfants, encourager nos enfants. Donc nous serons là à partir de mercredi à 16h30 et jeudi, vendredi. Samedi matin, nous avons une bonne intercession. Les intercesseurs, n'oubliez pas de venir samedi matin. Et dimanche, ils vont clôturer le travail que je leur ai donné. Et je vais maintenant prier pour eux. Je vais prier pour eux. Je vais les consacrer. Et je vais faire une sainte scène spéciale pour eux. Et puis je vais leur dire, ok, allez-y. Donc, je le ferai pour tous les enfants. Et c'est important. Donc, soyons là à partir de mercredi. Soulevez la main avec joie. Ce sont nos enfants. Alléluia. Et dimanche, ça sera un grand culte où je vais prier pour eux. Et voilà, et puis je vais les libérer comme berger et prédicateur. Et ils vont commencer le travail. Ils sont déjà dans le travail. Et que l'onction, mon onction les protège. Et que Dieu puisse continuer avec eux. Je bénis aussi le Seigneur. Nous avions prié pour le pasteur Olivier à Kolwezi. Et bientôt, il va ouvrir une autre église à Kolwezi. Donc, nous continuons à travailler. Et pendant ce temps, chaque fois que je verrai quelque chose dans un de mes enfants, je le ferai. Et voilà, c'est pourquoi nous devons nous encourager et que le Seigneur puisse les accompagner. Mardi, nous avons une prière de tous les serviteurs, c'est-à-dire anciens, diacres, diaconesses. Mardi, c'est une heure de prière, de 17h à 18h. Et tout, donc, ça devient une grande équipe d'intercession des serviteurs pour l'Église. Mardi, de 17h à 18h, soyons là. Et nous serons en prière. Donc ça, c'est très important. Après le culte, je verrai, les anciens peuvent me voir au bureau après le culte. On va parler avec eux quelques minutes. Voilà tous les communiqués. Je ne sais pas si j'ai oublié. Albert, tout est... j'ai tout donné. Je n'ai rien... En tout cas, tout ce qui est écrit ici, je pense que j'ai tout donné. Intercession de tous les serviteurs le mardi. Action de grâce. Ah, ok. Action de grâce, la famille Norbert Mbangu, c'est ça. Hein? Oui. Ah, il m'a appelé, hein. Merci papa. Mauricio. Mauricio. Il m'a téléphoné, j'étais dans beaucoup de trucs. Merci papa. C'est pourquoi il faut passer par les départements. Moi, je vous dis, c'est compliqué. Il a défendu son master. L'enfant Mauricio Bang. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? On peut acclamer le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Hein. Seigneur, merci. Je prie pour Mauricio à travers son papa, que ta grâce le touche pour que les portes lui soient ouvertes de travail et de grandes choses dans la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Ok, nous sommes arrivés à la fin. Je réitère mon communiqué de la fois passée. Mais mes deux chers ici, nous cherchons deux parcelles. Ça peut être une maison. Ça peut être un espace à côté dans une parcelle que nous pouvons louer, payer mensuellement. Et là, nous allons construire une église du côté 40 maisons de l'autre côté. Source féconde X. Et du côté Kamatanda Diagonal, source féconde Y. Nous donnerons les noms le jour où nous allons trouver dès que je trouve le terrain, Dieu m'a déjà dit qui ira où. Donc, directement, nous prions pour eux. Les évangélistes, soyez toujours prêts pour le travail. Le salut n'attend pas. Alléluia. Amen. Donc, dès que nous avons les parcelles, s'il vous plaît, si vous trouvez, voyez, soit un ancien, soit le social, informé, et comme ça je serai aussi informé, et très rapidement, nous allons nous déployer pour finaliser le travail. Les instrumentistes, vous me voyez aussi après. Et nous avons un contrat à faire avec vous. Un contrat à faire avec vous. C'est important pour le travail. Nous sommes arrivés à la fin. Nous fermons nos yeux. Remercie le Seigneur. Recommande-toi au Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Seigneur, merci. Je bénis tes enfants. Je bénis l'Église. Que ta grâce repose sur l'Église. Souviens-toi de l'Église dans tous ses aspects. Maintenant que nous arrivons à la fin de notre culte, laisse que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit accompagne chacun jusque dans sa maison. Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Les hommes adultes, n'oubliez pas de rester. Que Dieu vous bénisse.